Je me nomme Renan Gagné. Lieutenant. Bon. Minute. Mon gros, j'attends encore une heure. À la maison, j'attends dans le nord et papa. Il a tout un enfant, petit néron, et c'est ton menton, une queue, c'est au coton. Je l'aime beaucoup, mais mon minou, ses yeux sont doux, doux. Ses oreilles appliquent comme celles de loup.